si, je me serais habillé. Moi, bah ouais, oui, mais t'es bien habillé. Hein. T'as un très joli t-shirt avec cool, beaucoup de dessins marqués dessus. Je vois pas tout, hein. End, mais il y a un truc avant, il y a des lettres avant quand même. Friends, voilà, très bien. Il est beau, hein, Sandy, son t-shirt. Ouais, genre, mais j'avais pas allumé mon micro. C'est... Et c'est vrai, il est génial comme t-shirt. Ouais. Hein. Il est pas aussi joli que ta robe, qui est ravissante quand même, on peut le dire. Tu peux nous faire un petit tour, que tu peux faire un peu comme dans Jacques Martel, à faire tourner pour voir. Ah oui, non, c'est sexe, hein, ce soir, Sandy, quand même. Hein, Je retire mon casque. Super Nana, on vomit tellement qu'elle trouve ça beau, hein, c'est vrai. Je peux pas dire, mais ça, ça va sentir le caoutchouc brûlé du côté de Suresnes, hein. Regardez ça, c'est classe. Est-ce que tu peux nous faire, c'est de la radio, c'est dommage que ça ne se voit pas, mais ça donne encore plus envie aux gens quand c'est la frustration de savoir qu'il y a des choses dans le studio que ça ne se voit pas. À moins que vous ayez une webcam et que vous voyez un petit peu sur Internet. Mais moi, je sais pas, j'arrive pas à rester calme. Est-ce que tu peux nous faire un petit défilé quand même là, juste comme ça, juste là, de haut en large. Il y a rien à dire. Écoutez, oh là là, quelle démarche. Ah ouais, sympa. Quelle démarche. Si tous les top modèles marchaient comme toi, bah dis donc, ça ferait des ravages. Hein. Ah oui. Hein. Des gros podiums. Ouais. Gros podium pour gros dossier là. Non mais refais encore des tempêtes. Hein. Refais-le. Comme c'est beau, regardez. Oh là, c'est sa culotte. Oh là là. On dirait un défilé de Jean-Paul Gaultier. Comme c'est beau. Qu'est-ce que tu marches bien. T'es à l'aise dans tes baskets. Hein. C'est quoi tes pompes là, c'est beau. C'est des bottes. C'est des bottes. Mmh. Bah c'est des bottes montantes quoi. Est-ce que c'est pas les bottes basses hein, tu sais bien. Alors la question, ça coûte combien en euros? Une paire de bottes. En euros. Oh bah 1 euro, je sais pas, ça doit peut-être. 150 euros. Non, peut-être 15 euros. 15 ou 20 euros, je sais pas. C'est la petite bottine. Attends, mais. C'est votre tatine. Comme tu dis, c'est de l'euro, merde. C'est de l'euro, c'est 15 euros. 15 euros, attendez, c'est 15 euros. Est-ce que. Est-ce la chaussure ou c'est 15 euros la paire? Non, c'est 15 euros la paire. Le lacet. Est-ce qu'il y a des fringues que tu portes sur toi là ce soir que t'as offert Gérard? Non, mais par contre, la jupe que je porte, la jupe rose, c'est celle de ma sœur. C'est elle qui m'a donné des vêtements. Moi, vas-y. Et elle m'a donné des vêtements parce qu'elle en voulait plus et tout ça. Et elle m'a dit, au lieu de les mettre à la poubelle. Et ta frangine, elle a donné des vêtements à Gérard aussi, parce que ce qu'il porte la soirée, c'est un peu. Non, moi, la question que je me pose, Sandy, c'est que Gérard. Sandy. Oui. Arnold t'a demandé s'il y avait des vêtements qu'on t'avait offerts sur toi. Moi, la question que je te pose, c'est y a-t-il des vêtements sur toi que tu n'as pas encore lavé? Des vêtements sur moi? Oui. Que tu ne laves jamais, parce que c'est un souvenir et que t'as pas envie de les laver. Comme Gérard. Non. Moi, parce je les lave tout le temps. Des fois, il y a des vêtements qu'on ne souhaite pas laver. C'est vrai. Parce que ce sont des souvenirs. Ouais. Et je sais que Gérard porte souvent des souvenirs sur lui. D'ailleurs, t'es habillé qu'en souvenir, toi, Gérard. Très nostalgique. C'est une chemise qu'on t'a donnée, celle-là, non? Ouais, c'est son grand-père, lui, hein. Non, mais. On explique combien aux auditeurs que, sachant qu'il y a des vêtements souvenirs qu'on ne souhaite pas laver parce qu'on veut garder l'odeur de souvenir, toi, tu t'es carrément, on peut le dire, mais c'est beau. C'est que t'habillé, l'odeur de souvenir. Non, mais c'est que t'es habillé qu'en souvenir, tous les jours. Lave jamais tes vêtements. Ben si. C'est pas moi qui les lave, heureusement. C'est qui? C'est la machine. Et voilà. C'est la non, mais ça, ce que tu portes, là, le... Ça, c'est un souvenir. Rassure-moi. Le gilet. C'est un souvenir aussi, la machine. Il y a longtemps. Non, mais à chaque fois que tu viens à la radio, tu le portes toujours avec une chemise ou un t-shirt. Et le pin de Footix que j'ai essayé de te taxer là tout à l'heure. Excusez-moi, je suis obligé de stopper, là. Il y a une erreur qui a été dite par Sandy, c'est que tu dis, le gilet que tu as sur toi, tu l'as toujours avec une chemise, c'est toujours avec la même chemise. Bah, à un mot près, on était dedans, mais je voudrais savoir juste un truc. Oui. Gérard, je voudrais savoir juste un truc par rapport à ta chemise. Ta chemise, tu la rentres dans ton pantalon. Mmh. Ouais. Est-ce que tu la rentres en même temps dans le pantalon et dans le slip? Non. Ah. Une erreur. J'ai l'impression, excuse-moi, j'ai super la date. T'hallucines? Tu comprends? Non, ils sont extraordinaires. Ça, c'est ils sont fabuleux. C'est comme un Sandy, c'est ça? Sandy et Gérard. Oui, Sandy. Sandy et Gérard, c'est le top du top. Ouais. Ouais. Non, j'étais en train. Moi, je fais de la radio sur Internet. Ouais. Et donc, on a une webcam. Ouais. Et il y en a pas ici, une webcam. Il y en a une, mais je la mets. Enfin, c'est vrai que les gens t'écoutent plus facilement sur la FM. Oui. Que bon. Ouais. Donc, nous, on est sur Internet. Moi, je suis avec Laurent Petit-Guillaume. On est sur Internet. Webcam. J'étais en train de me dire, putain, mais il faut mettre une webcam chez eux, tu vois, sans dire. Avant, il y avait les débats de Gérard retransmis sur Fun TV, c'est-à-dire que tu voyais ce qui se passait là, mais à la télévision. Non, mais chez eux, parce que ça. Chez eux, c'est extraordinaire. Bah, tu peux l'avoir, il suffisait d'avoir à l'époque TPS et t'avais également Gérard chez toi, quoi. Mais c'est vrai que ça. Pas trop souvent, mais. Ah non, parce que c'est quand même. Tous les jours, c'est du gros dossier après. C'est difficile à gérer. Sachant qu'un énergumène comme celui qui est à côté de toi, de te bouser à peu près une cam par jour, parce que dès que t'as le cam portable qui est à peu près trop près, ça cartonnait. C'est vrai que Sandy, t'as une tête à faire de la télé. Bah, je sais pas, moi, je dis toujours. Non, moi non plus, je sais pas, mais je te dis ça comme ça, c'est pour en parler, quoi. C'est... J'ai la tête que j'ai, et puis, bon, bah, si ça plaît pas aux autres, bah, tant pis, hein, je suis comme je suis. Mais je sais pas si je suis fasciné ou s'ils me font peur, en fait. Je crois qu'il y a un peu des deux, mais c'est normal, tu vas t'habituer, c'est normal. Non, mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir ce soir. Attends, ils sont très bien, hein. Ouais, Sandy GG, moi, je les adore, ils sont très très bien. Moi, c'est mes amis. C'est vrai, mais moi, je découvre un peu. Oui, mais c'est vrai, ouais, mais on a de la chance d'être. Fais gaffe, parce que les essayer, c'est un peu les adopter après. Non, moi, j'adopte personne, merci. Ah bon. On a de la chance d'avoir fait tous les trois à peu près 10 ans de télévision, donc on connaît bien, et c'est vrai qu'on peut ni dire en tant que professionnel que t'as une tête à faire de la télé, Sandy. Ben, me regarde pas quand on te parle. Non, mais c'est vrai. Non, mais j'ai quand même le droit de regarder, puisque je regarde tout le monde. Mais attends, tu me regardes, c'est pas moi qui te pose les questions, c'est Max. Je te rappelle que c'est ta copine, ouais, c'est ta femme, sais. C'est pas une étrangère, c'est pas une Libanaise. Ils sont mariés? Non, le mariage n'a pas pu se faire. Non, mais attends, ce qu'elle oublie de te dire, et ça, je vais te le dire. Elle est là, Christine, c'est mort. Oui, Christine, c'est son répondeur. Ouais. Donc, ce qu'elle oublie de te dire, Sandy, c'est que quand on est venu, c'est qu'elle me dit, à chaque fois que je vois Max, je suis troublé. Donc, elle n'ose pas te le dire en passe. Eh ben, je veux pas le savoir, je dis la vérité, c'est tout. Ah ben, t'es jaloux alors un peu, c'est ça? Mais non, parce qu'elle me dit, à chaque fois que je le vois, je suis troublé. Ouais. C'est son anniversaire. Ben regarde, mais c'est normal, il est gosse beau et tout, il est vachement connu, les gens l'adorent, il gagne super bien sa vie, il a un appart de folie furieuse, comment? On le sait, il a 13 ans. 13 ans. Et tant qu'à faire, qu'il fasse une expérience ce soir, Max. Bah écoute, moi je suis partant pour une expérience. Non, je dis que j'étais intimidé, c'est tout, à chaque fois que je me lève. C'est normal. Je suis intimidé. Tu sais que c'est séduisant, ceci dit, parce que bon, avec ton petit fond de teint et ton petit piercing sur le nez, franchement, ça gagne. Hein, c'est mignon tout plein. C'est là-bas qu'on regarde. C'est un piercing. Ouais. Gérard, c'est un bouton. Depuis tout à l'heure, là, on parle, on discute. Il y a eu de l'impro. des amis sont venus dans le studio, mais tu devais me lire un petit truc que tu m'avais écrit, d'ailleurs, que t'as préparé en improse. Le petit torchon que tu m'as dit. Quoi, le petit manuscrit là. Bon, c'est pas un torchon d'abord, d'accord. Alors, qu'est-ce que t'as écrit sur ta feutrine? Ma feutrine, j'ai écrit ce que j'ai écrit. Alors vas-y. Bon. On écoute. Alors Max. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Cela te fait plaisir. Max, le roi de la bande FM de la radio. Max, le star system qui nous remonte le moral tous les soirs. Toi, le clown de la nuit de 21h à minuit qui délire. Tu as 13 ans aujourd'hui, cela doit te fait quoi? Aujourd'hui, tu vois, tu vas avoir beaucoup de monde qui viendra. Cela doit te faire plaisir d'avoir des amis. Des deux rois de la nuit. Oui. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire de la part de GG de Suresnes. Mais j'ai pas fini. Max, garde le moral comme tu l'as en ce moment. Voilà, terminé, point final à la ligne. Bravo. Il a bien fait de l'écrire, hein. Ah là là, j'aurais aimé que tu me fasses un petit poème quand même. Sur quoi? Sur le mot anniversaire. Tu peux improviser comme ça, tiens, pour montre. Ah oui, tu sais, tu fais A, tu vas en longueur, comment que ça se passe. C'est compliqué, là. Oh là là là là là là là là là. Si tu commences à demander à la verticale et tout, là. Ah ouais, c'est ça. J comme machin, parce que là il va croire comme R comme remix. Moi je connais bien Gérard. On se connaît depuis très longtemps, Gérard. C'est vrai que bon, c'est vite. Fais écouter à tout le monde, à Super Nana, à tous ceux qui nous écoutent, que t'es capable d'improviser. Je te donne le mot joyeux anniversaire. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus en poème? Alors, aujourd'hui pour ton anniversaire, nous sommes là. Aujourd'hui. Pour tes 13 ans, cela doit te faire plaisir. 31 ans. C'est ton anniversaire. Tu m'as troublé. Alors, c'est évident. Tu recommences. Sinon, c'est ma faute. C'est ma faute. Mais c'est ma faute. Non. Je mets 13 ans parce que j'aime bien déconner quand je sais. Bon, alors, on va. Non, je vais te préparer. Tout est effacé. Tu peux recommencer. Avec anniversaire, hein, c'est ça? Ouais, on fera joyeuse Pâques aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Comment faire? Non, faut que je l'écris. Oui, comment faire, c'était bien. Continue, c'est pas mal. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Comment faire? Continue. Vas-y, pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Nous sommes venus, les mains vides, pour ton anniversaire. Malheureusement. Non, je te prépare quelque chose. C'est pas mal quand même. Je te prépare quelque chose. C'est pas mal quand même. Je te prépare quelque chose. Gérard, est-ce que tu as Internet chez toi? Non. Merci. Parce que je me suis dit, ça y est. Ouais. Tu vois, il est avec toi tout le temps et tout sur Fun. Je me suis dit, putain, si vraiment il se branche avec nous sur le net, là, c'est... Pourquoi t'en parles aussi? Ça peut être l'avoir l'idée jusque-là et toi, tu viens de lui donner une idée, GG. Non, GG, je vais te donner un numéro de téléphone. Tu iras faire un peu de radio sur le net. Je connais la personne qui s'en occupe ouais, de toi sur le net. On lui donne le numéro, tu vas l'appeler, puis tu iras faire aussi un peu de radio sur le net, non? Je voulais rajouter quelque chose comme Max, on est en train de parler des dates depuis que je suis avec toi sur l'antenne, depuis que je te connais. Ouais. J'ai calculé, ça fait exactement 6 ans. Oh là là. 6 ans. Merci Einstein. Alors justement, Einstein. Tu prends des trucs ou quoi, non? Non, heureusement, parce que s'il prenait un truc, c'est là où ça deviendrait dangereux. C'est qu'il risquerait de tout mettre dans l'ordre et de devenir plus qu'il est.